Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour de la tristesse dans le cœur. Regarde, réponds-moi, ô mon Dieu, éclaire mes yeux, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Que l'ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Mes adversaires ne se réjouissent pas. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur se réjouira de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien.